J'ai un astre charmant, où il n'y avait pas d'argent, où l'on respecte les enfants. Les longueurs inexistants, on se tiendrait par la main en dansant, pour être ensemble sereinement, et on cultiverait tout en soignant, notre terre évidemment. Il faut se rassembler en chantant, il faut danser en s'amusant, car c'est le grand moment du véritable changement. Are you ready to change your life? Are you ready?